Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la tuerie de Louveciennes, 6 meurtres en quête d'auteur. Ce fait divers terrifiant, on l'appelait aussi l'affaire Alexis. En février 95, la police découvre 6 ressortissants russes assassinés dans une paisible villa de Louveciennes, en banlieue parisienne. Alexis, 16 ans et demi, s'accuse presque immédiatement des crimes. Celui de son père, de sa belle-mère, des parents de cette dernière et d'un couple d'amis. Drôle de coupable tout de même pour un massacre familial. Un adolescent aux joues rondes, un gamin qui tue avec le plus grand sang-froid sur les 16 coups de feu tirés. Une seule munition n'a pas atteint sa cible, c'est dire la précision. La suite, elle appartient aux experts et aux autres psychiatres qui devront essayer de comprendre et peut-être même d'expliquer cette folie meurtrière. Oui, mais voilà. L'adolescent ne tarde pas à se rétracter et le théâtre d'ombre s'écroule. Apparaît alors, en filigrane, un autre décor, celui de la mafia russe qui, en ces années 90, élimine sans pitié tous ceux qui s'opposent à sa mainmise sur l'économie d'un empire soviétique à l'agonie. Notre invité aujourd'hui, Florent Chevolleau, rédacteur en chef de Magnéto Press et auteur avec Bernard Farou du documentaire Alexis, la tuerie de Louveciennes pour l'émission Fait entre l'accusé, diffusée en 2004. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Nuit du 26 au 27 février 1995, commissariat de Marly-le-Roi, banlieue parisienne. Ce soir-là, le brigadier Pierre Addisson est de permanence. À 3h30 du matin, le téléphone sonne. Au bout du fil, la voix d'un jeune homme paniqué qui répète à plusieurs reprises « Venez vite, ils ont tué tout le monde chez moi ». Le brigadier raccroche, note le numéro et rappelle aussitôt, on ne sait jamais, les canulars, ça court les rues, mais... La même voix répète « Venez vite, venez vite !» Avec deux de ses collègues, Addisson prend la route, direction la commune voisine de Louveciennes, chemin dégraissé, une voie sans issue, en lisière de forêt. Sur le pas de la porte d'une grande maison bourgeoise, un jeune homme leur fait des signes et les entraîne à l'intérieur. Un carnage, les vitres sont criblées d'impacts de balles, les murs recouverts de sang, les douilles et les armes jonchent le sol. Un pistolet, une carabine, un fusil, une kalachnikov et même une arbalète. Dans le couloir, le brigadier Addisson découvre le premier corps. Un homme, pantalon baissé jusqu'aux chevilles, un trou dans la nuque. Dans le salon, une vieille dame gît, face contre terre. Un peu plus loin, entre la table et le canapé, deux autres corps. Celui d'un homme et d'une femme. À l'étage, la liste macabre s'allonge. Dans une chambre, visiblement fouillée, un cinquième cadavre repose au pied du lit. C'est un homme d'âge mûr. Puis le brigadier Addisson ouvre la dernière porte, au fond du couloir. Il raconte sa découverte au journaliste Florent Chevolleau dans l'émission « Faites entrer l'accusé » produite par 17 juin Média. On a vu un lit de bébé, avec un bébé dedans. J'ai allumé la lumière, j'ai vu le bébé qui bougeait, je retiens la lumière. Et je dis au collègue, toi tu restes là, il y a un enfant vivant. L'enfant, seule survivante du massacre, s'appelle Nathalie, elle a 2 ans et demi. C'est la demi-sœur d'Alexis Plevoy, 16 ans et demi, le jeune homme qui quelques minutes plus tôt a donné l'alerte. Il dit avoir découvert le drame alors qu'il rentrait d'une soirée en boîte de nuit à Paris. Il était aux alentours de 3 heures du matin et il a tout de suite appelé la police, puis... Il énumère le nom des morts. Eugène Plevoy, son père, âgé de 42 ans, Ludmila, sa belle-mère, Fedor et Zina, les parents de Ludmila, et un couple d'amis de passage, Olga et Slava. Tous russes, installés en France depuis quelques années. Mais il se trouve qu'Alexis donne le nom de 6 cadavres. Alors le brigadier Addisson s'interroge. À l'intérieur, lui et ses collègues en ont compté 5. Et de fait, ils mettront de longues minutes à découvrir le 6e, celui d'Olga complètement dissimulé derrière le canapé. Mais comment Alexis peut-il savoir ? L'adolescent est d'ailleurs de plus en plus confus dans ses propos. Dans la voiture, sur la route du commissariat, il dit à un policier Mon père, ils ne l'ont pas eu à Moscou, ils l'ont eu à Paris. À Louvciennes, au milieu d'une nuit glaciale, c'est au tour de la police judiciaire de Versailles d'arriver sur le lieu du crime, bientôt rejointre par l'expert en balistique. La fouille se poursuit jusqu'au petit matin. À l'étage, devant la chambre où le grand-père Fédor a été tué, l'enquêteur Franck Dupéreau découvre un minuscule indice qui le met sur la piste de l'assassin. À une trentaine de centimètres du seuil de la porte, nous retrouvons, et je retrouve, une attache de montre. Elle est là, devant. Cette porte devait être à l'origine fermée. On a tapé avec quelque chose sur la porte, probablement les pieds, les mains, objets. On y a laissé des marques et en tapant, l'auteur a brisé son bracelet et sa montre. Il a perdu cette attache de montre. Et d'ailleurs, où est-elle cette montre ? L'enquêteur passe la maison peigne fin. Rien. Rien à l'étage, rien au rez-de-chaussée. De retour dans les locaux de la brigade criminelle de Versailles, où Alexis Paul Voy, le fils rescapé, est interrogé, Franck Dupéreau demande l'heure à l'adolescent, qui décline. Il lui fait alors vider ses poches, et là, bingo, Alexis lui tend la montre au bracelet brisé, puis vide son sac. Le tueur, c'est lui. 17 coups, 6 morts. Depuis le jardin, il a d'abord tiré 3 balles à travers la porte-fenêtre. Eugène, son père, s'écroule, mais parvient à se traîner jusqu'au bureau, où Alexis le retrouve et l'achève. C'est ensuite au tour de Ludmila, la belle-mère, abattue à bout portant, de Slava, l'ami, fauché par une rafale dans l'escalier, suivi d'Olga. Les grands-parents, terrorisés, se barricadent alors dans leur chambre. Mais le tueur défonce la porte, abat le grand-père Fédor et agrippe Zina, avec laquelle il fouille la maison, récupère la carte de crédit de son père, puis finit par exécuter la vieille femme. Un quart d'heure de folie meurtrière. Ensuite, Alexis, selon son récit, emprunte la Rover de feu sa belle-mère, fonce avenue Marceau à Paris où il s'offre une prostituée. À son retour, vers 3 heures du matin, il appelle la police, fort de son alibi. Il ne se souvient plus exactement de tout, Alexis, mais il n'a aucune hésitation sur les armes utilisées. D'abord la carabine, puis la calache, et enfin le pistolet à un coup. Et ça colle avec l'expertise balistique et les traces de poudre détectées sur les mains du jeune homme. 4 heures d'interrogatoire plus tard, le mystère semble résolu. Alexis, 16 ans et demi, a assassiné méthodiquement toute sa famille, à l'exception de sa petite sœur, Rideau. À 9h du matin, ce 27 septembre 1995, la première dépêche de l'AFP tombe, reprise, mais corrigée au journal de 13h. Il est 9h sur France Inter, le journal Jean-Marc Four. Bonjour. Priorité à l'actualité. Et l'actualité, c'est d'abord cette dépêche de l'agence France Presse qui nous est parvenue voilà quelques minutes avec ce tragique fait divers à Louveciennes, près de Paris. 6 personnes d'une même famille ont été retrouvées mortes, assassinées. Elles auraient toutes été tuées la nuit dernière à l'arme à feu. La police parle ce matin de règlement de compte. Il est 13h10 sur France Inter. Les 6 personnes retrouvées mortes dans une maison de Louveciennes ont été exécutées par le fils de la famille. Il a 17 ans. Il a reconnu tout à l'heure être l'auteur de ce massacre. Les policiers arrivés très tôt sur les lieux ce matin avaient d'ailleurs jugé très confuses les explications du jeune homme et il avait été immédiatement placé en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle de Versailles. C'est lui qui avait appelé la police. Dans le jargon journalistique, c'est ce qu'on appelle une belle affaire. Pensez donc, une maison bourgeoise, des voisins sans histoire, 6 cadavres, riches, russes, et pourquoi pas mafieux. Il y a surtout un coupable, trop jeune, presque trop parfait, qui avoue tout jusqu'aux détails les plus sordides. Alors, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, une horde de journalistes, caméramans et photographes envahissent la ville de Louveciennes. Parmi eux, la reporter Pascale Gérin, des services faits divers au journal Le Parisien. À quelle heure ils ont sorti les corps, Olivier ? Pardon ? À quelle heure ils sont sortis les corps ? Toi qui étais de l'autre côté. 13h30. Et là, ils posent les CD et ils s'en vont. Et après, vous ouvrez les barrières ? Il y a des voisins, non ? T'as vu, Olivier ? Il y a des voisins. Il y a une maison. Il y a des maisons à côté ? Oui, il y a des maisons. Et les corps, ils sont sortis, il y a combien de voitures ? Jusqu'à 14h30. Et combien de voitures? Combien de voitures? Ouais, il y avait deux voitures de sapeurs-pompiers. Ouais. Il y a une première voiture qui a pris au moins 4 corps. Vous avez vu? Ouais. Ils ont sorti des armes aussi. Sous-scellées? Je sais pas, ouais, sûrement. Elles étaient dans les sacs en plastique. Les sacs en plastique. Et de là-bas, tu voyais bien? Et les corps, ils ont mis devant vous? Non, ils ont sorti. Ils ont sorti. C'était des... Ah ouais, des camions, ça part pompiers, des ambulances? Ouais, des ambulances. Rouge, blanc, bleu. Pour Pascal Gérin, une journée d'enquête commence. Sur le terrain, sans téléphone portable. À l'ancienne, quoi. Devant les grilles de la maison sous-cellée, on interroge les passants, les voisins, et on n'apprend rien d'autre, finalement, que des broutilles. Que Ludmilla collectionnait les bijoux et Eugène les armes, par exemple. Un stand de tir est même installé dans la cave de la villa. Puis le propriétaire de la demeure fait son apparition. Et il raconte que la famille Polvoy était des locataires bien comme il faut, riches exilés russes, installés ici depuis 2 ans, qui acquittaient leur loyer rubis sur l'ongle. Là encore, comme dans bien des drames, ça ne nous a pas échappé, on parle souvent de gens sans histoire. Bien. Mais à ce stade de l'enquête, celui qui concentre tous les regards, toutes les interrogations, c'est bien Alexis, l'adolescent meurtrier, le parricide au visage d'archange, s'enflamme déjà un policier. Mis en examen et incarcéré pour sextuple meurtre, il faut reconnaître qu'il n'a pas vraiment la gueule de l'emploi. Avec ses 85 kilos pour 1m75, ses joues rouges et ses cheveux blonds, on le surnomme l'ourson russe dans le club de rugby de son lycée privé. Il est élève en première scientifique, décrit comme un élément brillant par ses professeurs, comme un bon gars par ses camarades. Et... C'est un garçon qui était déjà très très sympathique, très ouvert, et moi j'avais vraiment pas ressenti qu'il avait des problèmes familiaux, parce que j'ai cru entendre à la radio qu'il était, il se croyait mal aimé. Moi je connaissais son père, qui était un homme charmant. Je connaissais et puis sa petite sœur aussi. Et moi personnellement, je sais qu'il avait un petit peu peur de son père, mais peur comme ça, par comme on a peur de son père normalement. Mais en tout cas, je sais qu'il les aimait, quoi. Enfin, moi je sentais qu'il les aimait, donc j'arrive vraiment pas à comprendre ce qui a pu se passer dans sa tête. Bon, il y avait pas des problèmes familiaux, mais c'est vrai que sa famille était un petit peu dispersée un petit peu partout dans le monde. Et ses grands-parents dans le sud, son père, sa mère en Russie et son père en France, qui se baladait un petit peu partout pour son travail. Mais personnellement, j'ai jamais entendu parler de problèmes de famille. Vraiment, mais j'arrive vraiment pas à comprendre, quoi. Je comprends rien. Rien du tout. Alors, ce serait donc ça, un drame familial, un crime du mal de vivre adolescent. Au policier, Alexis remonte le chemin qui l'amenait jusqu'ici. Enfant, il grandit à Moscou, dans une URSS à l'agonie où l'on manque de tout. Au divorce de ses parents, il reste avec sa mère, Raïssa, pendant que son père Eugène profite de l'éclatement de l'Empire et des premières privatisations pour s'enrichir. Avec sa nouvelle épouse, Ludmilla, ambitieuse comme lui, il décroche un contrat de déforestation de milliers de kilomètres carrés en Sibérie. Alors le bois tombe et l'argent coule à flot. Eugène et Ludmilla réalisent leur rêve, ils s'installent à Paris, d'où ils poursuivent avec succès d'ailleurs leurs activités officiellement d'import-export. Pendant 6 ans, Alexis, lui, n'a guère plus de nouvelles de son père. Mais en 1993, le patriarche refait surface et propose à son fils de venir vivre avec lui en France. Changement de décor fulgurant pour l'ado, qui découvre aussi une nouvelle arrivée dans la famille, sa demi-sœur, Nathalie, qui vient de naître. Alexis est pensionnaire dans un collège de Maison Lafitte et s'intègre plutôt bien. À la rentrée scolaire de septembre 1994, soit 6 mois avant le drame, il gagne un peu plus en indépendance. Fini la pension, son père lui loue un studio en face du lycée et lui donne 10 000 francs d'argent de poche par mois, l'équivalent aujourd'hui tout de même de 2 000 euros. Un sacré budget pour un ado de 16 ans. Il découvre ainsi les nuits blanches parisiennes. Il s'y fait de nouveaux amis, russes, riches, expatriés, comme lui. Et il tombe passionnément amoureux de Yana, 21 ans. Voilà pour le côté face, celui de la jeunesse dorée. Côté pile maintenant, Alexis cache les traces de coups et les bleus à l'âme. Il est, dit-il, le souffre-douleur de son père, qu'il décrit comme un homme autoritaire, violent, alcoolique. Durant les vacances de février 95, la tension monte d'un cran. Les humiliations et les coups de ceinture claquent. Alexis n'a plus le droit de sortir de la maison de Louvciennes. Alors, dimanche 26 février, après une semaine de ce régime infernal, il craque. Vers 22h, il s'empare de la carabine du bureau, se réfugie dans le jardin et tire une première balle dans le sol. Mais impossible de se calmer. Il braque alors son père à travers la vitre. Il explique enfin que s'il a tué sa belle-mère, les parents de celle-ci et le couple d'amis, c'est parce qu'il n'intervenait jamais lorsque son père s'en prenait à lui. Les termes mêmes de ses aveux se retrouvent dans la presse en un temps record, relayés par le procureur adjoint de Versailles, Hervé Garrigue. La garde à vue d'Alexis n'est même pas terminée que le magistrat tient une conférence de presse. Car pour lui, aucun doute sur la culpabilité de l'adolescent. Il ne prend pas soin non plus de fermer la porte de son bureau lorsqu'il appelle pour la première fois la mère d'Alexis, Raïssa, installée à Moscou. La journaliste Pascal Gérin se trouve alors dans le couloir du palais de justice, suivie par la caméra de France 3. Oui, Olga Ostrava, autôte. 6 personnes autôte. Tribunal de Versailles. My name is Garrigue, ok? Allô? Oh zut. Oui, venez. Bonjour, excusez-moi. J'essaie de causer à la mère en Russie, elle ne comprend rien à rien. Faut pas allemand, faut pas anglais, faut pas français, faut pas russe. Le tout, bah vous savez déjà à peu près tout, non c'est... Non. Non. Ah bon. Donc sur un contexte de mauvaise relation, c'est moins qu'on puisse dire avec son père. Hein, oui. Qui le traitait, paraît-il, comme un moins que rien, qui le tabassait à l'occasion. On peut dire que le père était un grand colosse. Hein. Oui. Et lui, il n'est pas un grand colosse du tout, le fils. Donc, il le méprisait ouvertement, c'est ça aussi. Qui aussi, peut-être, ne laissait pas suffisamment voir sa petite copine. Bon, c'est peut-être un détail, mais enfin, ça va avec le reste. Ouais, ouais. Et puis, il en avait marre, et puis il ruminait tout ça dans sa petite tête. Sachant qu'il n'est pas du tout idiot, hein. Il est pas, je l'ai vu tout à l'heure, il est bien, hein. Il parle bien français, en plus, pour un garçon qui n'est pas là depuis longtemps. Le père était collectionneur d'armes, pour avoir autant d'armes, ou c'était. Parce que cache-t-il d'armes, oui. C'est pas. Fanatique, oui. Et le petit a été élevé dans les armes, il savait ça, il savait manier ça aussi bien qu'un cahier, hein. Ouais. Et il le dit d'ailleurs. Que son père l'a très manipulé, ouais, tout ouais. Ça a servi comme quoi. Mardi 28 février 1995, 2 jours après la tuerie de Louvciennes, Alexis, l'ado meurtrier, fait la une de la presse. Malgré la législation censée protéger les mineurs, son prénom, son nom de famille et même sa photo s'étalent un peu partout, alimentant la fascination pour ce lycéen tranquille transformé en serial killer. Et après tout, il y a un mobile, il y a des aveux. Pourquoi chercher plus loin? Une hypothèse mafia russe est bien évoquée les premières heures, mais elle est vite écartée. Alexis est en détention au quartier des mineurs de Bois d'Arcy. Tout le monde alors s'en tient à l'évidence. Et pourtant, on ne cesse dans cette histoire de tomber sur des invraisemblances, des détails qui clochent, des questions sans réponse. Tiens, pour commencer, les 6 victimes ont été abattues avec 3 armes différentes et achevées méticuleusement. 17 coups, une seule balle perdue, note le rapport balistique. Une exécution en règle, menée par un sang-froid diabolique. Petit détail, Slava, l'ami de la famille, était un ancien para de l'armée rouge, vétéran d'Afghanistan. Tout comme le grand-père, Fedor, ex-officier de l'armée de l'air. Alors, comment ces durs à cuire ont-ils pu se laisser tirer comme des lapins par un ado? Comment Alexis a-t-il pu massacrer seul 6 personnes pendant presque un quart d'heure? On s'interroge aussi sur la personnalité du père d'Alexis, le golden boy russe, qui pourrait tremper dans des affaires, disons, pas nettes. Enfin, il y a l'expertise balistique qui laisse perplexe, comme l'explique l'avocat d'Alexis, maître Olivier Combes. On va arriver à une incohérence, à mon sens, chacun appréciera, qui consisterait à penser que pour une des victimes, elle ait reçu une balle dans la boîte crânienne, et qu'une autre balle se serait logée également dans la boîte crânienne en empruntant le même chemin mais dans le sens inverse. J'ai presque envie de dire que c'est la balle magique. Mais chacun appréciera en effet. Le problème, c'est qu'Alexis a avoué. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Car le 23 novembre, 9 mois après la nuit du drame, rebondissement, le présumé coupable demande à voir d'urgence la juge Rechter de Versailles. Car ce n'est pas lui le meurtrier. Il s'est accusé sous la menace, annonce-t-il. Puis Alexis raconte. Ce soir du 26 février 95, vers 22h, un homme en noir fait irruption chez lui à Louvienne. Du jardin, il tue d'abord son père, puis pénètre à l'intérieur à la recherche d'un mystérieux dossier rouge avec inscrit dessus 30 millions de dollars. Et il tue tout le monde sur son passage et il contraint Alexis à recharger les armes. Avant de repartir, le fameux dossier sous les bras, il épargne l'adolescent en lui disant « Tu vas appeler la police et tu vas t'accuser. Sinon, il y aura d'autres morts. » Alexis pense alors à sa petite sœur à l'étage, à sa mère en Russie et à sa copine Yana, bien sûr. Alors il garde le silence. Mais aujourd'hui, il n'en peut plus. Oui, c'est la mafia russe qui a assassiné toute sa famille. La juge Rechter est dubitative. Cette seconde version d'Alexis est pour le moins rocambolesque et fourmille, elle aussi, d'incohérences dignes d'un mauvais polar. L'enquête est alors au point mort. Deux mois plus tard, en janvier 96, une reconstitution est organisée à Louvienne, mais elle ne fait qu'épaissir le mystère. Que s'est-il réellement passé dans cette nuit du 26 février 95? Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour, les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quant au futur, j'ose même pas y penser. Vider ma vie, et pourtant, non. Je n'ai pas choisi, tant le présent n'est qu'un néant. Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance. Mais moi, malheureusement voilà, je n'en suis pas là, et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat? De toute façon pas la peine, je connais la rengaine mais j'en ai pas la force. Mon amour pour la vie s'est soldé par un divorce. Moi aussi j'ai rêvé de connaître l'idéal, idylle, le désir, la passion pour ne pas perdre le fil. Quitter sur le champ la ville, s'isoler sur une île, au lieu de ça ma vie file, se faufiler des fils sans domicile. Fix, fix. J'ai toujours relevé la tête, même à genoux, mais ce soir je suis fatigué de lutter et pense sérieusement à tout déconnecter. Son manteau, comme si la mort était déjà là, tout près de moi. Le froid me lacère la peau, comme cette vie dont je n'ai plus envie. Égaré dans ses pensées, où tout ne cesse de m'apitoyer. Voilà, ce soir je vais craquer, ne pouvant échapper à mon destin. L'âme stressée, le cerveau compressé, comme usé par la guerre des nerfs à laquelle je dois me livrer. Subir sans pitié, sans répit, voilà ma vie. Gris semble l'avenir et noir est la couleur de mon esprit. Je ne sais plus de comprendre ni de me faire entendre. Je suis le troupeau avec un numéro collé dans le dos. Mais trop boulot, aseptiser le cerveau. Mon ultime évasion se trouve dans le flot de ces mots. 40 ans de déboire, passé à la lumière du désespoir. Tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. Chez les neurones affectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et le poids d'une vie de raté. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, seul dans ma tête. Libre d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette. Sensible, Fabrice Drouel. Nouvelle orientation dans l'enquête sur les 6 meurtres de Louvciennes. 6 ressortissants russes qui avaient été tués par un adolescent, le propre fils d'une des victimes. Ça s'était passé un dimanche de février 95. Depuis, Alexis, le jeune inculpé, affirme que le massacre lui avait été commandité par la mafia russe. C'est donc à Moscou que les policiers français vont poursuivre leur enquête, Frédéric Carbone. Ah oui, ils vont poursuivre, ou plutôt vont réorienter cette enquête, parce que jusqu'ici, une seule hypothèse était officiellement envisagée, le crime familial. Premier rebondissement, le 25 janvier dernier, l'adolescent revient sur ses aveux et accuse un membre de la mafia russe, un mystérieux homme en noir, venu chercher un mystérieux dossier rouge. Les accusations d'Alexis paraissent dans un premier temps ne pas intéresser grand monde. Et ce n'est donc que 2 mois plus tard que le juge d'instruction chargé du dossier décide d'envoyer ses policiers à Moscou. Les enquêteurs de la PJ de Versailles devront dire si les accusations d'Alexis relèvent de la divagation d'adolescents ou si son scénario, digne d'un roman de Le Carré, comporte une part de vérité. 1 an et 1 mois après les faits, c'est long, le juge attend des réponses à une question essentielle. Alexis, lundi, fêtera son 18e anniversaire en prison. 30 mars 1996. Cela fait maintenant plus d'un an que l'enquête sur la tuerie de Louvciennes est ouverte et le temps presse en effet. Le principal suspect, Alexis, est mineur. Et selon la loi, il ne peut rester en prison plus de 2 ans avant d'être jugé. Si l'instruction n'est pas bouclée à temps, il sera donc libre de ses mouvements et pourquoi pas de s'enfuir en Russie. Alors, en septembre, ce sont les enquêteurs français eux-mêmes qui s'envolent pour Moscou. Il rencontre d'abord les proches de la famille Polevoy. Tous sont catégoriques. Pour eux, il est impossible qu'Alexis soit le meurtrier. Non, c'est la mafia qui a tué tout le monde à Louvciennes. Ils évoquent alors plusieurs éléments troublants sur le patriarche, Eugène Polevoy. Les enquêteurs français partent donc sur sa trace. Certains témoins se souviennent d'Eugène comme d'un type exubérant, hâbleur, amateur de bonne chère et de vodka. D'autres, comme son ex-femme, Raïssa, la mère d'Alexis, comme d'un alcoolique mégalomane et violent. La quarantaine corpulente, il faisait partie de ces anciens apparatchiks soviétiques reconvertis dans les affaires à l'époque de Gorbatchev. Après s'être lancé, avec le succès qu'on sait, dans le commerce du bois en Syrie, il prévoyait de se lancer dans le pétrole, au Turkménistan. Un secteur et une ascension fulgurante qui ont pu intéresser la mafia, omniprésente en Russie en ce début des années 90 d'ailleurs. Quelques mois avant son assassinat, le businessman russe se sentait menacé. Raïssa raconte que lors de son dernier voyage à Moscou, en janvier, quelqu'un lui a tiré dessus, en pleine rue. Rentré précipitamment à Louvciennes, Eugène se terrait depuis au milieu de son arsenal. D'autres éléments troublants apparaissent au hasard de l'enquête. En épluchant ces livres de comptes, les policiers découvrent d'importants retraits d'argent liquide, des dettes inexpliquées. Mais en quoi consistaient réellement les activités de ce nouveau russe collectionneur de flingues? Après 2 semaines d'enquête à Moscou, les policiers français comprennent vite qu'ils n'iront pas plus loin. La piste de la mafia est crédible, certes, mais très difficile à explorer, par définition. Alors il y a bien Dimitri, le frère de Jean Polvoy, l'oncle d'Alexis, qui propose de les aider, mais trop tard. Le 5 décembre 96, il est retrouvé assassiné en Biélorussie, à quelques kilomètres de chez lui. Voilà où Dimitri a été exécuté, nous explique le premier policier arrivé sur les lieux. Le crime a été prémédité. 3 hommes ont d'abord suivi Dimitri, l'ont enlevé, puis roué de coups dans ce champ, à la sortie de la ville. Oui, c'est ici qu'on a découvert le cadavre. Il a couru comme ça. Il y avait ses vêtements dispersés partout, tout autour. Là, sa veste, là, ses chaussures, et alors qu'il courait, on l'a rattrapé. Et c'est ici qu'on l'a abattu, qu'on l'a tué d'un coup de pistolet. Alors, cette tuerie à Louvciennes, parricide ou règlement de compte? Pour la presse, le meurtre de Dimitri Polevoy rebat les cartes et relance l'enquête. Désormais, la version de l'homme en noir avancée par Alexis, le principal suspect, devient plausible et pourrait expliquer le professionnalisme, si j'ose dire, du massacre. Mais à Versailles, on a déjà choisi son camp, celui du parricide. En février 97, la juge Richter décide de ne pas poursuivre l'enquête en Russie et clôt l'instruction. Parce que Alexis est mineur, elle est contrainte par le temps, elle a dit 2 ans pour boucler son dossier. Elle accordera tout de même 6 mois supplémentaires aux avocats d'Alexis. En vain, pour elle, il y a assez de charges pour renvoyer le jeune homme devant la cour d'assises des mineurs des Yvelines. Dont acte. Un an plus tard, le 4 mars 1998, le procès d'Alexis Polovoy, âgé alors de 19 ans, s'ouvre à Versailles. Il est accusé du sextuple meurtre, résultat de la haine trop longtemps contenue d'un fils mal aimé. Pour ses avocats, les ténors du barreau, William Bourdon et Henri Clerc, la partie s'annonce difficile. D'autant qu'elle se jouera à huis clos, sans public, ni journaliste. Nous allons être enfermés avec des magistrats qui essaieront avant tout de protéger leur procédure, prévient Maître Leclerc. Et il poursuit, face caméra. Je regrette beaucoup, moi personnellement, qu'une mesure qui est une mesure de protection des mineurs, dans une affaire comme celle-là où tout le monde est informé, ne permette pas qu'on voit comment la justice se déroule, mais voilà. Le procès d'Alexis Polovoy va durer 8 jours. 8 jours à couteau tiré. La défense d'Alexis mise d'emblée sur la piste de la mafia russe, les activités mystérieuses du père Eugène, sa tentative d'assassinat quelques semaines avant le drame, et puis, surtout, le meurtre de son frère 1 an et demi plus tard. Il y a aussi l'analyse balistique bâclée, la personnalité d'Alexis, et évidemment, non mais franchement, regarde-le avec ses joues rondes et son air un peu pâteau. À la barre, sa mère Aïssa le défendra comme une mère, disant « Il ne peut pas assassiner 6 personnes, voyons, il est incapable de se verser un verre d'eau sans en mettre à côté. » Peu à peu, le consensus judiciaire autour de la culpabilité d'Alexis s'érode et le doute s'installe chez les jurés. Et si la tuerie de Louvsienne était vraiment l'œuvre de la mafia russe ? Pourtant, là aussi, de nombreuses incohérences subsistent, que l'accusation, bien sûr, ne manque pas de souligner. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un commando professionnel ait assassiné toute la famille avec un si petit calibre, un pistolet à un coup, mais surtout qu'il ait utilisé les armes présentes dans le pavillon ? Comment ce fameux homme en noir, venu de l'extérieur, pouvait-il savoir qu'il les trouverait sur place, ces armes ? Face aux accusations, Alexis reste imperturbable. Ouf, un peu trop, diront certains. Reste cet élément particulièrement gênant, son attitude juste après la tuerie. Dans ses 2 versions, il confirme être allé voir une prostituée juste après le drame. Et si ce n'est pas lui l'assassin, c'est presque pire. Il assiste au sextuple meurtre de sa famille, abandonne sa petite sœur rescapée de 2 ans et demi dans son landau, vole la carte bleue sur le cadavre de son père et roule jusqu'à Paris. À son retour seulement, il appelle la police. Malaise. À quelques heures du verdict, Franck Herriot de France Inter parvient à glaner le compte-rendu de ses 8 jours d'audience à huis clos. Les 3 premiers jours ont été consacrés à l'examen de la personnalité du jeune homme. 20 heures d'audition, 30 de témoins. Qui est Alexis? L'ami généreux, vanté par ses camarades? L'élève travailleur, loué par ses professeurs? Le détenu modèle? Ou alors le jeune homme froid, calculateur, comme l'ont décrit certains experts? Béa est venue à la barre. C'est la prostituée auprès de laquelle Alexis s'était penché immédiatement après la tuerie. Identifiée dès le début de l'affaire, elle avait répété aux enquêteurs l'étonnante question posée par le jeune homme. Combien risquent des enfants qui tirent et tuent leurs parents ? Autre moment très attendu par les défenseurs, le rapport balistique examiné avant-hier. Selon eux, il prouve qu'Alexis n'a pas pu agir seul. Pour les experts, les aveux du jeune homme correspondent au contraire à leur propre scénario. Il n'y a pas eu plusieurs tireurs. Le volet russe avec en filigrane la mafia n'a été abordé qu'hier, mais les magistrats avaient averti dès l'ouverture du procès qu'ils ne s'aventureraient pas sur cette piste. Vendredi 13 mars 98 au soir, les 7 jurés de la cour d'assises des mineurs des Yvelines rendent leur verdict. Alexis Polovoy est reconnu coupable du meurtre de 6 personnes, dont son père. Il est condamné à 8 ans de prison. Un silence glacial règne dans la salle d'audience. Juste quelques mots murmurés. Oh les vaches, seulement 2 jeunes avocates stagiaires, les salauds, reprennent à voix basse les copains d'Alexis. Du côté de la défense, on commence à faire ses comptes. Alexis pourrait sortir de prison en liberté conditionnelle dans moins d'un an. Au pire, pour l'an 2000. Mais ce verdict tout de même, 8 ans, qu'est-ce que ça signifie ? Trop pour un innocent, pas assez pour un coupable. La sentence respire le doute et l'incertitude. Ce doute qui, en droit, profite normalement à l'accusé. Pas cette fois. Winter on a day. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la tuerie de Louvciennes avec notre invité Franck Chevolleau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Magnéto Presse et auteur avec Bernard Farou du documentaire Alexis, la tuerie de Louvciennes pour l'émission Faites entrer l'accusé, c'était en 2004. Cette histoire pourrait ressembler à une erreur judiciaire, mais c'est pas forcément le cas et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais enfin, à l'annonce des verdicts, je crois que William Bourdon et Henri Leclerc, les avocats d'Alexis, ont été stupéfaits. Ils pensaient vraiment pouvoir acquitter Alexis, ils pensaient que le dossier allait passer. Non, ils pensaient que le procès s'était plutôt bien passé pour eux. Au départ, la première semaine, c'est un peu 50-50 entre la culpabilité ou l'innocence d'Alexis. Mais la deuxième semaine, avec des prestations de l'expert balistique à la barre qui est pas très convaincante, avec cette piste russe qui est amenée en permanence, franchement, ils croient à l'acquittement. C'est-à-dire qu'ils se disent c'est possible et ils plaident l'acquittement. Ils plaident l'acquittement face à l'avocat général qui réclame le maximum, 20 ans de réclusion criminelle. Et quand ces 8 ans tombent pour 6 meurtres, personne ne comprend. Oui, c'est pas un verdict, ça fait pas sens. Bah, soit il y a un doute, à ce moment-là, il doit être acquitté. Là, il est condamné au bénéfice du doute. C'est une mesure compensatoire. Voilà, on a l'impression qu'il y a une tractation. On s'est dit, finalement, on va couper la poire en deux. Donc 8 ans, et ils croient vraiment à l'acquittement. Maître Olivier Combes, qui est son avocat depuis le début, qui a été commis d'office, est effondré. Et ce qui marque beaucoup, c'est qu'il voit Alexis, en fait, qui met la main sur l'épaule de son défenseur pour le réconforter. Alexis lui est impassible. Alexis ne réagit pas. Ses avocats sont plus effondrés que lui, à ce moment-là. Ça pourrait vouloir dire, alors sans établir des suppositions un peu hâtives, que finalement il s'est dit, 8 ans c'est pas mal, quoi. J'ai déjà fait 5 en plus. Ah bah, peut-être que ça veut dire ça. Il n'y a pas que lui qui se le dit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça fait 3 ans qu'il est en détention. Non mais le fait justement qu'il ne réagisse pas comme ça peut aussi apporter un élément dans ce sens-là. Je m'en tire bien. On ne sait pas, en tout cas, à ce moment-là, ils n'ont que la possibilité de faire un pourvoi en cassation, puisqu'à l'époque on ne peut pas faire appel d'une décision en cours d'assises, d'un verdict. Oui, sur le fond, on peut pas c'est sur impossible le fond. À l'époque, ça l'est aujourd'hui. Non, ouais. Donc, il pouvait faire un pourvoi en cassation, mais c'est vrai que les avocats se disent, on fait un pourvoi. Est-ce que le pourvoi va passer? Imaginons qu'il passe un deuxième procès. il risque de prendre plus. Tandis que là, avec des remises de peine, dans 2 ans, il est sorti. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, en juillet 2000, après 5 ans de prison, Alexis sort de prison et il est libre. Il est libre et il demande à rester en France. Qu'est-ce qu'il est devenu là, justement? Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu? À ce moment-là, lui, il est russe, donc normalement, il devrait être expulsé de France. Et en fait, il demande à rester en France parce qu'en fait, il craint de retourner en Russie. Il craint pour sa vie. La justice française va lui accorder ce droit de rester en France, de résider en France, où il est resté, où il a repris des études. Il a repris des études et il a construit sa vie en France. Il a disparu de la circulation, j'imagine. Pas de journalisme, rien. Il a coupé les ponts avec... Enfin, il n'a pas recherché du tout. Et au contraire, moi j'avais cherché à le contacter au moment où j'avais réalisé le fait d'entrer l'accusé. C'était impossible. Ses avocats étaient encore en contact avec lui à l'époque. Puis, plus du tout. J'ai encore discuté avec Maître Olivier Combes il y a quelques années, qui m'a dit finalement, ben voilà, j'ai perdu sa trace. Il a réellement refait sa vie dans l'anonymat, en France. Et il a réussi à faire oublier qui était Alexis, le tueur de 6 personnes. Sauf qu'on n'oublie pas complètement la preuve. Non. Aujourd'hui. Pour réaliser votre documentaire en 2004, vous avez recherché tous les protagonistes de l'époque, vous l'avez dit, et des amis de la famille Paul Voy en Russie à travers ces témoignages. Quel portrait vous vous êtes fait, vous, personnellement, d'Alexis? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quels éléments ça vous a apporté? Alors, c'est-à-dire que non, il y a l'entourage, on va dire, en France, ses copains, c'est du lycée, du rugby, il pratique le rugby, son entraîneur, le directeur de l'école aussi, enfin du lycée que j'avais rencontré, ils décrivent tous un garçon sympathique, débonnaire, pas du tout violent, même dans un sport comme le rugby qui peut être un peu rugueux, c'est pas quelqu'un qui faisait des mauvais coups, et ils sont tous abasourdis. Comment il a pu tuer son père, 5 autres personnes? Ils n'y croient pas. Du côté russe, moi j'ai rencontré les amis les plus proches, le couple d'amis les plus proches de Raïssa, sa mère, c'est pareil. C'est pas Alexis, c'est pas Nounours. C'est comme ça qu'on l'appelle quand même. Donc, non, Nounours, il a pas pu tuer tout le monde comme ça. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est quelque chose d'impossible. Alexis peut pas avoir commis de tels crimes. Bon, et il se trouve qu'il dit, lui, avant de se rétracter, ben, c'est moi. On a évoqué le rôle des journalistes dans cette affaire, en suivant l'enquête de la journaliste Pascale Gérin pour Le Parisien. Je vous propose d'en écouter un nouvel extrait, puisque ça a été filmé par les caméras de France 3. La reporter, à ce moment-là, est dans sa voiture, et après 2 jours d'enquête, ben, l'affaire est entendue. C'est pas un fait divers qui se dégonfle, c'est que l'affaire est tellement carrée, puisque le garçon a avoué, puisqu'il est parvenu sur ses aveux, et puisque tout est clair, c'est-à-dire qu'il a reconnu avoir tué les 6 personnes, pour nous c'est une affaire terminée. Par ailleurs, aucun membre de la famille de ce garçon sont en France, enfin on peut joindre personne, c'est vraiment fini, on a établi la personnalité grâce à ses amis de ce garçon, celle du père à travers les aveux. Pour nous, c'est terminé, et en ce qui me concerne, bah, demain, je serai sur autre chose. Ben voilà, comme ça, c'est clair. Bon, a posteriori, il est saisissant de voir à quel point, dans les heures qui suivent le drame et les jours, personne ne doute de la culpabilité d'Alexis. Déjà, pourtant, on pourrait douter. Les aveux, on sait que, par définition, faut d'abord en douter avant qu'ils soient confirmés. Non, mais j'allais dire, c'est pas les journalistes là qui sont en cause. C'est quand même les magistrats. La justice, oui. Bah oui, parce que c'est le procureur qui fait une conférence de presse. Alexis est encore en garde à vue. Les policiers continuent à faire à enquêter sur place. Et il fait une conférence de presse en disant c'est lui, en donnant son nom, en donnant le mobile. Donc c'est-à-dire que les journalistes, ils se font la caisse de résonance de la certitude judiciaire qui est donnée à ce moment-là. Le lendemain, ils titrent sur l'ange de la mort, Alexis le tueur, le parricide. C'est normal. Pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a tout? Après, à l'intérieur de l'enquête, il est vrai que moi, les enquêteurs, le policier en particulier, Franck Dupérou, que j'ai rencontré, qui était sur les lieux et qui a vraiment enquêté, a suivi toute l'enquête, lui, il a eu une conviction tout de suite sur la culpabilité d'Alexis à travers cet attache de montre qu'il avait retrouvé et que on a retrouvé la montre cassée dans la poche. C'est beaucoup, Et il faut voir aussi une chose, c'est que lui, ça se passe sur les lieux et ensuite il va être interrogé par des policiers à Versailles sans sa présence et c'est à eux qu'il va faire ses aveux. C'est-à-dire que ses aveux ne sont pas du tout soufflés par des gens qui ont été sur les lieux. C'est ce qui pour lui, montrait que voilà, c'était solide parce que ça corroborait la scène de crime face à des policiers qui ne la connaissaient pas. Quand même, la protection des mineurs a été un peu bafouée. Bon, totalement, oui. Bon, cela dit, c'est pas la première fois. C'est problématique quand même. C'est problématique, hein. Bah oui. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, normalement, il n'aurait jamais dû, on n'a jamais dû donner son nom, donner autant de détails. Ça peut se retourner contre lui aussi, parce que lui, il est complètement piégé finalement dans cette culpabilité qui est annoncée. Alors, il est clair que le meurtre maintenant du frère de Jeanne Polvoy, c'est-à-dire l'oncle d'Alexis, donc Dimitri, c'est bien ça, Dimitri, change beaucoup de choses, parce qu'à ce moment-là, pour le journaliste et les enquêteurs, ça bascule. On s'est dit, mais oui, cette piste, elle tient la route. Alors, on tue le frère au cas où il sait des choses, il faut le tuer. Là, ça prend corps quand même. Alors, ça prend encore dans l'esprit des journalistes, pas tellement dans l'esprit de la magistrat instructrice ni des enquêteurs. Apparemment, oui. Non, c'est-à-dire que les journalistes, en fait, vont jouer le rôle des enquêteurs de police. Comme ils n'ont pas accès, finalement, tout de suite à pouvoir aller enquêter sur les affaires d'Eugène en Russie, ce sont des journalistes comme Stéphane Ventura, par exemple, qui est correspondant de l'AFP à Moscou, et qui, lui, va s'intéresser à Eugène, à ses affaires. Il va rencontrer ses associés dans sa société Interprom, qui est son associé, c'est un ancien général du KGB. Vous voyez ? Il l'emmène d'ailleurs au cimetière où est enterré Ludmila et ses parents, et dans la voiture, il lui dit « ce n'est pas Alexis ». Ok, mais surtout ce qui va marquer Stéphane Ventura, c'est le profil de ses associés. C'est extrêmement opaque, c'est des gens dangereux. Il sent, il dit, il y a une histoire secrète de Jeanne qu'on n'a pas élucidée, et il trempe forcément dans des choses dangereuses. Moi, j'ai rencontré aussi un de ses associés français dans ses affaires qui me disait, le problème de Jeanne, c'est que, certes, il avait une concession de bois, etc., qui a fait sa fortune, mais il voulait aller dans le pétrole. Et le pétrole, il y avait déjà des gens qui étaient en place. Et bien sûr. Et il a tenté de faire avoir une concession au Turkménistan, ça a échoué. La veille de sa mort, il est avec des envoyés d'un groupe pétrolifère russe, il est toujours là-dessus. Et pour cet associé, il est mort à cause de ça, parce qu'il allait sur des affaires d'oligarques, oui. Où franchement, il risque... Et à l'époque, les règlements de compte commerciaux se font un coup de Kalachnikov en Russie. Oui, parce qu'on rappelle que après la chute du communisme, Yeltsin a, je pense qu'on peut le dire comme ça, quasiment vendu l'ex-URSS à la découpe. Hein, comme on vend un immeuble à la découpe. Tiens, toi, t'as cet appartement-là, toi, t'as celui-là, puis tu fais fructifier. Et ça crée forcément une mafia, quelque chose qui n'est pas assez encadré juridiquement. Et peut-être, il n'était pas effectivement absurde de penser qu'il y avait un rapport entre cette affaire et cette mafia nouvelle. En tout cas, un des procureurs russes a dit qu'il y avait un lien entre l'exécution de Dimitri le frère et la mort d'Eugène. Ça a été dit. Voilà. La chose est vraie, c'est que Dimitri, lui, le frère d'Eugène, il reprend les affaires. Lui, c'est un médecin. Il n'y connaît rien. Donc, il décide de faire un petit peu la lumière là-dessus. Et en fait, il va beaucoup gêner. Il va beaucoup gêner les associés, les partenaires. Il essaye, d'ailleurs, quand il voit les enquêteurs français qui viennent finalement passer 15 jours d'enquête, enfin, des enquêtes très encadré par les policiers russes, il va leur mettre tout un tas de documents, comptables, etc. Et le policier me disait, mais même une fois qu'on les avait traduits du russe au français, on n'y comprenait rien. Et il creuse, il essaye de savoir, il gêne beaucoup de monde, et il finit dans un champ en Biélorussie, exécuté. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, waouh, si un an et demi après, le frère est tué, c'est possible. Ah oui. Oui ou pas. Ben oui ou pas. Cela dit, ce dossier-là, quand Alexis raconte à l'homme noir est arrivé, il a pris un dossier sur lequel était marqué je ne sais pas combien de millions d'euros. Oui, oui. Il existe ou pas, ou ce dossier-là? Personne n'a jamais retrouvé le dossier rouge. Ce qui est troublant, c'est qu'il raconte, parce que la chambre, en fait, de son père et de sa belle-mère est fouillée. Ouais. Et en désordre. De façon superficielle, il reste des objets de valeur, donc ce n'est pas un vol. Et donc il explique en fait que c'est parce que il était mis en joue par l'homme en noir qui, de l'autre main, fouillait pour trouver ce dossier, le fameux dossier rouge avec lequel il part. C'est une des incohérences d'ailleurs de la reconstitution avec l'homme en noir, c'est que l'homme en noir, il aurait tué tout le monde et fait tout ça avec toujours Alexis qu'il tient en joue. À tel point qu'à un moment, il doit croiser les armes pour pouvoir tirer sur l'un et tenir Alexis en joue. Ça fait partie des incohérences de la théorie de l'homme en noir. Ça tient pas tellement debout. Donc ce dossier rouge, bien sûr, personne ne l'a retrouvé. On sait pas ce que c'est devenu par la suite. D'ailleurs, peut-on imaginer qu'une mafia envoie un homme en noir ou de couleur? On s'en fiche, mais un seul homme pour ça. C'est pas possible, déjà. D'emblée, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est bizarre. Alors, un homme seulement. Alors, il dit qu'il y avait aussi un homme cagoulé, qui était resté dehors. Non, c'est pas tant ça, c'est que la mafia envoie un homme désarmé, qui prend les armes sur place, et qui les laisse. Oui, en plus. Et qui les laisse avant de partir. C'est ça qui est quand même très, très bizarre, parce que c'est vrai que c'est un arsenal quand même dans la maison de Louvciennes. Il y a une trentaine d'armes, et Alexis reconnaît tout de suite le 22 long rifle, la Kalachnikov et le pistolet à un coup, qui... Il a trois armes parce que les deux premières se sont enrayées. C'est pareil, vous imaginez un homme de la mafia, un tueur, donc un tueur à gages, qui va prendre des armes sur place au risque qu'elles s'enrayent. D'ailleurs, elles sont enrayées. Alors, Stéphane Bentura, notre confrère hein, qui a enquêté en Russie, je crois, a été entendu au procès d'Alexis. Oui. Et alors, les juges l'ont pas tellement cru. Hein, alors, il a été entendu aussi par Catherine Herrel, qui est une consoeur aussi, qui avait enquêté à l'époque pour le Nouvel Observateur et qui avait fait un livre. On va écouter dans quelques secondes. Voilà, qui s'appelait « Six meurtres en quête d'auteur ». Elle montrait toutes les incohérences, elle allait sur cette piste russe, lui aussi. Et on va carrément accuser, par exemple, Catherine Herrel d'avoir été payée par la mère pour faire ses déclarations. On est face, apparemment, de ce qui s'est passé au procès, donc on a face à une présidente qui lève les yeux au ciel, qui dès qu'on passe de la piste russe, ne veut pas y croire. Ouais. Elle n'y croit pas ou elle ne veut pas y croire? J'en sais rien. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit. Alors, je pense que l'avocat général que moi j'ai interviewé, elle a vraiment une certitude, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fait une réquisition de 20 ans, ce qui est extrêmement le plus lourd possible. Bah oui. Pour elle, il y a un mobile, il était séquestré ce dernier week-end par son père, il n'en pouvait plus, elle accorde tout son crédit au récit d'Alexis, et dans le déroulé du meurtre, elle trouve que ça se tient, en tout cas du point de vue balistique. Mais ça, c'est l'avocat général. Sur la présidente de la cour d'assises, c'est vrai qu'ils veulent pas aller. De toute façon, ils ont pas d'éléments sur cette piste russe. Et elle va dire, d'ailleurs, l'avocat général, elle me dit, mais vous comprenez, c'est romantique. La piste russe, la mafia, ça fait rêver. Donc c'est pour ça que tout le monde y va. Mais qu'est-ce qu'il y a de concret? Quand même pas grand-chose. Ouais. Sauf que, quand même, des méthodes de la mafia russe, hors des frontières russes qu'on connaît, qui auraient pu corroborer ça. Ah, le contexte du règlement de compte à coups de Kalachnikov existe, ça, il n'y a aucun souci. L'exécution du frère Dimitri, évidemment, est quelque chose qui rend la chose extrêmement plausible, mais ça, le scénario de l'homme en noir est aussi sujet à caution et pose question. Donc il y a deux invraisemblances presque de chaque côté. Et alors, c'est pour ça, peut-être entre deux invraisemblances, les jurés ont coupé la poire en deux, on va le condamner à 8 ans. Mmh. Catherine Herrel, donc, dont vous venez de parler, qui a publié effectivement en 98 aux éditions Jean-Claude Attès le livre intitulé « L'affaire Alexis, six meurtres en quête d'auteur », et bien en juillet 2000, alors qu'Alexis est libéré de prison, hein, elle est interviewée sur France Inter. Personne n'a jamais jeté un œil sur l'expertise balistique, qui prouve pourtant qu'il n'a pas tiré, qu'il y avait au moins deux tireurs, sinon trois. L'enquête a des trous immenses. L'instruction a refusé d'enquêter en Russie, ne l'a fait qu'après l'assassinat de l'oncle d'Alexis en Russie, et encore avec beaucoup de réticence. Véritablement, la justice aime les cas résolus, les meurtres élucidés qui ont un coupable. Elle en avait un sous la main qui avait avoué les premières heures, même s'il s'est rétracté tout de suite, contrairement à ce qui a été dit. Et elle n'a pas été cherchée plus loin. Il a été condamné injustement au minimum parce qu'on n'a pas recherché le coupable. Vous savez quelles sont ses envies, ses désirs, ce qu'il souhaite faire, ce que vous avez pu parler avec lui? Il a juste envie de vivre. Je vois pas comment dire les choses plus précisément que ça. La vie commence enfin, quoi, quelque chose comme ça. Voilà l'intime conviction de Catherine Herrel, c'est pas la vôtre, hein, Florent Chevalot, notamment à cause de cette histoire de prostituée. Vous avez essayé de retrouver, vous l'avez retrouvée cette jeune femme, cette prostituée, Béa? Alors Béa, moi j'ai pas de conviction, mais en tout cas pour moi il y a un épisode qui ne colle pas avec l'innocence d'Alexis. C'est la virée parisienne du jeune garçon qui, après avoir vu, s'il a vu toute sa famille tuée par cet homme en noir, va fouiller le cadavre de son père, prendre sa carte bleue, prendre la voiture de sa belle-mère, il a 16 ans et demi, hein, il n'a pas le permis, hein, pour aller dans un bar à prostituées, offrir le champagne à une prostituée et passer un moment avec elle, avoir une relation sexuelle avec elle, dans un hôtel. C'est vrai que là, c'est quand même très très étonnant. On se dit, mais comment ça se fait? S'il doit s'accuser, il faut qu'il appelle la police tout de suite. Pourquoi il ne le fait pas? Et cette Béa, ce qui est très étonnant, c'est qu'il va lui poser des questions étranges. C'est, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour appeler la police en France? Elle lui dirait faire le 17, ce qu'il fera d'ailleurs. Mmh. Et puis, elle a vu, il y a eu un téléfilm quelques jours avant, combien ont été condamnés deux jeunes garçons, deux jeunes frères qui avaient tué leurs parents. Elle dit, je sais pas. Et elle a tellement peur de lui qu'elle va lui donner un faux numéro. Et si c'est pas pour forger son alibi, oui, à quoi sert cette virée parisienne? Bien, merci infiniment. Je crois qu'on a fait le tour de la question de cette histoire. Merci infiniment pour vos précisions, Florent Chevalot. Merci, au revoir.